Au sport, le 21 décembre. Au hockey mineur, dans la Ligue Simple Lettres Offer de Saint-François, l'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François visite Thibault GM Sherbrooke au centre sportif Thibault GM Chevrolet de Sherbrooke à 13h25. L'équipe Atom A reçoit Metro Plouffe Sherbrooke 1 à 13h30 à Istingus.